À l'occasion du 126e anniversaire du 1er mai, fête internationale des travailleurs du monde entier, le journal coréen Lodong Sinmun de dimanche a inséré l'éditorial manifestant dans le monde l'esprit héroïque des travailleurs de la Corée du Juche sous la direction du parti. L'auteur écrit entre autres: les travailleurs de la Corée du Juche ont créé de brillants prodiges pour le parti, le leader, la patrie et la révolution sous la direction clairvoyante des grands leaders. Aujourd'hui, ils tiennent le maréchal Kim Jong-un à la tête du parti et de la révolution, et donc, ils sont tous animés plus que jamais de la confiance en la victoire finale et mènent une vie méritoire. Que tous manifestent vigoureusement l'esprit héroïque et la puissance du grand peuple coréen sous la direction du Parti du Travail de Corée prestigieux et puissant pour accélérer la victoire finale de l'édification d'un État puissant et prospère.